Le retour impossible par Lucie de la rue Mardrus. Un homme revient vers le château de son passé. Le mouvement du train berce sa rêverie. Il songe au temps où, marié, il aimait en silence la plus jeune fille de Maître Farel. Elle avait sans doute 18 ans. Rien n'était plus beau que ses yeux roux entre des paupières foncées et qui s'allongeaient vers les tempes à l'égyptienne, ni plus élégant que son corps étroit, sa petite tête au juché, ses gestes. Il revoit dans un songe le reflet bleuté de sa frange, ses joues vite rougissantes, sa belle bouche, ses mains nobles. Il entend sa voix enfantine, elle se déconcertait si facilement lorsqu'elle parlait. Et pourtant les choses qu'elle disait révélaient une telle âme originale, profonde, ardente. Il se souvient encore des moments où il cherchait à retenir son regard, pour qu'elle ne devinât pas l'amour qu'il avait pour elle. N'était-il pas marié alors? Et n'était-elle pas jeune fille? Un respect infini le laissait tremblant devant elle. Par un mot, par un geste, il avait peur de froisser cette petite candeur, plus fragile qu'une fleur commençante et qui avait de si jolies timidités. Un voisinage de propriété, une amitié de famille, lui donnaient de fréquentes occasions d'aller au château. C'étaient des parties de promenade en bande dans la riche campagne estivale, des dîners rieurs, de la musique, toute une intimité simple, tout un charme honnête. Sa femme était l'amie de la jeune fille et de ses sœurs. Des coups pareils réunissaient aux vacances cette jeunesse cultivée. Lui, mêlé aux récréations, confondu parmi les frères, beaux-frères et cousins, regardait la dérobée vivre l'enfant féminine, toute rose d'innocence et de santé. Que de fois au milieu de ces grands jeux de cache-cache dans le parc, de ses courses dans le foin grisant, il avait saisi les chères mains virginales, respiré de tout près la douceur du petit corps qui pantelait de chaleur et d'essoufflement. À ces minutes, elle le regardait avec des yeux amusés de gosse, des yeux magnifiques qui ignoraient tout, alors que lui, dans sa poitrine d'homme, sentait son cœur fait, son cœur instruit de la vie, chavirer brusquement, sombrer jusqu'au fond de l'abîme du désir. Chers jours passés. Plus que toute chose, il se rappelait un certain soir tombant où le hasard l'avait laissé seul avec elle dans la salle de musique. Tout le parc, dans la fenêtre ouverte, avec ses plates-bandes rouges de géranium, ses pelouses, ses détours touffus et foncés, où déjà se traînait le couchant mélancolique. La jeune fille, assise au piano, jouait sans regarder ses mains. Ses prunelles rousses, au bord des luisants cils noirs, semblaient regarder ailleurs, hypnotisées, perdu dans le mystère de la musique. C'était quelques pages de Chopin. Un romantisme désolé remplissait la pièce, semblait déborder sur le monde. Alors l'amoureux, sans force contre la musique et l'ombre, s'était senti défaillir. Accoudé au piano, il regardait courir sur les touches ses petits doigts, pleins d'orageuses harmonies, et qui, avec tant de maîtrise, torturaient ainsi le crépuscule, le chargeait d'accents si désespérés. Peut-être ne soupçonnait-elle pas quelle dangereuse poésie son jeu déchaînait à travers le soir. Et pourtant, il semblait que toute son âme vibrât au bout de ses doigts passionnés, cette âme énigmatique des jeunes filles dont nul ne connaît le secret et qui ne se connaît pas soi-même, âme enclose dans le vase précieusement scellé d'une chair encore hermétique et dont l'amour seul un jour révélera la vraie nature. Une rage de saisir contre lui la bouleversante musicienne, de la renverser, de chercher sa bouche adorée, avait tordu cet homme dans le clair-obscur où il dérobait sa pâleur. Puis, se maîtrisant d'un suprême effort, presque en sanglots, il avait enfui tout à coup son visage dans un bouquet de roses à proximité, avec l'instinct de mordre à même, de ravager à coups de dents, les pétales complexement repliés. Chers jours passés. Maintenant, il revenait vers le château de jadis, après 10 ans écoulés au loin, à travers les multiples ambassades où sa carrière de diplomate et son désir de fuir un insurmontable amour avaient dispersé son existence. La vie, durant ce laps, avait opéré bien des changements. Il savait que la plus jeune demoiselle Farel, depuis longtemps déjà, s'était brillamment mariée et qu'elle n'avait pas d'enfant. Lui, il était devenu père, puis veuf. Des parents étaient morts. Des héritages, des ruines, des ventes avaient changé le destin des vieilles maisons. Toute la jeune compagnie d'autrefois, vieillie, éparpillée, n'était plus qu'un charmant souvenir, mais il connaissait, par de fraîches nouvelles, qu'il retrouverait au château l'objet de sa perpétuelle passion, puisque la jeune femme venait d'hériter de cette propriété et avait décidé de l'habiter pendant les beaux mois. Quand il fut descendu à la villa qu'il louait pour la saison, non loin de son ancienne demeure, il se dépêcha, par quelques soins rapides, de secouer la poussière du voyage. Ensuite, remontant dans la voiture qu'il avait amenée de la gare, il se dirigea vers le château, vers l'autre fois. Il n'avait pas prévenu la jeune femme de son arrivée. Il voulait la retrouver à l'improviste. Une émotion déchirante et douce lui serrait la gorge. Il saluait au passage les arbres, les prés, les fermes, les tournants de route, toutes ces choses qui, dans son cœur, avaient pour jamais gravé leur entaille. Qu'allait-elle penser de lui ? À mesure qu'il approchait, il sentait une espèce d'effroi le gagner. Se confronter de la sorte avec elle après 10 ans, il craignait qu'elle ne le reconnût même pas. Il se demanda s'il avait beaucoup changé. Puis, un sourire doucement amer passa dans son âme. Qu'importaient donc ces choses, puisqu'elle ne l'avait jamais aimé ? Madame la Duchesse n'est pas encore entrée. Sans expliquer pourquoi, il tressaillit à cette phrase, presque douloureusement. Il savait bien pourtant qu'elle n'était plus Mademoiselle Farrel. Mais le présent blesse toujours ceux qui l'abordent avec une âme pleine de passé. Sans même songer à s'asseoir, il était seul, maintenant, au milieu du salon. Et regardant avec stupeur les meubles nouveaux qui se pressaient entre les mêmes murs, il se sentait scandalisé comme devant des intrus. Il se jugea stupide. Ne fallait-il pas s'attendre à bien d'autres nouveautés ? Et tout à coup, un grand tressaillement le secoua, car il n'avait pas encore songé que celle qu'il aimait pût avoir, elle aussi, changé. Il restait là, immobile, à classer cette idée subite, lorsque la porte s'ouvrit avec douceur. Il se retourna. La duchesse venait d'entrer. Il fait un pas en avant. Le temps de bégayer. « Bonjour, madame. » Un torrent d'impression tourbillonne en lui. Ses yeux. Voici ses yeux, ses chers yeux roux à l'égyptienne. Plus grands, plus dorés. Ou bien, est-ce à cause de cette meurtrissure pathétique des paupières ? Ah, qu'elles sont meurtries ! Est-ce là ce qui lui donne ce regard ? Comme elle regarde. Elle était si timide autrefois. Qu'y a-t-il donc dans ce regard ? Quelque chose d'impérieux, de presque dur. Oui, ce regard a 10 ans de plus, voilà tout. Mademoiselle Farrel, la duchesse, toujours élégante, mais n'a-t-elle pas grandi ? Entre les longs voiles qui l'enveloppent, voici ses joues. Matité de ses joues, qu'elles sont donc pâles, et pourtant elles paraissent brûlantes, sa bouche. La jeune femme a tendu la main. Quelle surprise et quelle joie. J'ai bien souvent pensé à vous. Vous me trouvez donc très changé. Sa voix est devenue sombre. Sa voix est aussi pathétique que ses yeux. Il ne peut articuler que des paroles sans suite. Elle est devant lui. Et il ne la retrouve pas. Elle le fixe en souriant. Surveille son émotion tout en parlant d'un ton assuré, la tête haute. Il entend, dans un rêve, qu'il est question de l'auto, d'une panne. Des mots modernes passent. Puis ce sont des questions. Elle s'est assise et l'a fait asseoir en face d'elle. Chacun de ses gestes paraît empreint d'une autocratie royale. Elle a une façon de dire chez moi qui le bouleverse. Et puis, oh, c'est décidément ce regard qui le pétrifie. Ce regard, différent dans des prunelles semblables, ce regard plein d'ignorance il y a 10 ans et qui aujourd'hui, spirituel et ferme à la fois, audacieux, presque effronté, sait tout, ose tout. Oui, ses yeux-là l'ont vite deviné. Depuis quelques minutes, la duchesse sait pertinemment qu'il l'aime, qu'il l'a toujours aimé. Ainsi les rôles sont renversés. C'est lui aujourd'hui, lui qui n'est rien qu'un homme amoureux, qui se déconcerte devant cet être, plein d'expérience et d'autorité, une jeune femme. Il n'avait pu encore établir l'équilibre de ses sensations que déjà. On le présentait au duc, aux frères du duc, à des voisines venues en tumulte, entortillées des voiles de loto et rieuses. C'était donc la nouvelle jeunesse qui peuplait le vieux château. Plus rien de ce qui faisait le charme d'autrefois, promenade, jeux, musique, lecture, ne semblait préoccuper ces créatures trépidantes, pressées de parler, pressées de s'en aller, pressées de vivre. Plus que devant les meubles qui l'avaient choqué, il souffrit de ces figures étrangères. La duchesse parlait de lui, rappelait le passé, s'enchantait de le revoir. Et tous ces visages polis et indifférents l'entouraient, sans que personne se doutât que ce jour était le plus poignant de sa vie. Il fut retenu à dîner. Il causa avec des gens qu'il ne connaissait pas. À la droite de la duchesse, il s'étonna de ses soins, de la haute coquetterie dont elle l'enveloppait. De temps en temps, le regard égyptien, le regard volontaire, se posait sur lui, semblait déclarer à la face de tous « Vous qui m'aimez, depuis si longtemps, n'êtes-vous pas ma proie ? Je m'amuserai à faire de vous tout ce que je voudrais. » Et c'était pour lui un sentiment de sourd triomphe mêlé à une peine profonde. Il ne savait s'il avait envie de pleurer parce qu'il était heureux ou parce qu'il était désespéré. Cet état de malaise ne commença de le quitter que lorsque l'heure eut dispersé toute la compagnie au milieu du ronflement des autos. Le duc, depuis un moment déjà, avait disparu à l'anglaise. Une dernière trépidation se perdait dans le fond du parc. Seul avec la duchesse, l'amoureux éperdu osa enfin la regarder en face. Puis ses yeux supplièrent. « Dites, demanda-t-il, voulez-vous me jouer cette page de Chopin que j'avais tant aimée un soir ?» Il voulait se rattraper à cette phrase musicale. Il l'attendait comme le salut suprême de sa pauvre âme qui, depuis quelques heures, sombrait dans un océan de troubles. La jeune femme parut chercher dans sa mémoire, se souvint avec effort. Alors elle eut un rire qui le déchira. « C'est que je ne pourrai plus, » fit-elle. « Je ne joue jamais de Chopin maintenant, vous savez. Je ne joue que les grands classiques ou les derniers modernes. » Elle vit qu'il souffrait et ajouta « Je veux bien essayer. » Et quand ils furent tous deux dans la salle de musique, comme jadis, parmi le clair-obscur d'une petite lampe baissée, avec la fenêtre ouverte sur le parc, il s'appuya au même angle du piano et regarda les belles mains qui couraient sur les touches. Elle cherchait l'air d'autrefois, du bout de ses doigts hésitants, et c'était en vérité comme si, ayant oublié son âme passée, elle eût essayé de la retrouver sans y parvenir. Tout à coup les doigts se souvinrent. Le chant mineur éclata, sembla faire frémir jusqu'en ses profondeurs le parc nocturne et romanesque. Un sanglot souleva dans l'ombre l'homme, l'amant, celui qui autrefois, à cette même place, avait, par un suprême effort, retenu l'élan qui le jetait vers la musicienne passionnée. Les dernières notes moururent dans le silence. La duchesse regarda son camarade d'antan. Le frisson de la fatalité sembla passer entre eux. Et voici qu'accomplissant le geste qu'il n'avait pas osé jadis, l'amoureux s'approcha de la jeune femme, la renversa contre lui, chercha sa bouche. Mais elle tendit d'elle-même les lèvres. Il vit de tout près les yeux roux, les yeux audacieux. La bouche délicieuse le mordit, prolongea follement le baiser complexe que les jeunes femmes apprennent sur les lèvres des hommes. Il sentit les petites mains meurtir les muscles forts de ses bras. Elle l'enveloppait du même geste, dont elle avait déjà dû attirer d'autres amants. Alors, se dégageant d'un recul presque brutal, il la regarda une seconde d'un air égaré. Puis il se roula vers la porte et s'enfuit comme un fou à travers le parc silencieux et noir. Il s'enfuit pour ne jamais revenir, parce qu'il avait compris qu'elle n'était plus celle qu'il aimait, parce que la vie irréparable avait fait de la pure jeune fille de son désir cet être si différent. Une femme. Parce qu'il portait en lui un amour trop grave pour accepter que son étreinte passagère, après celle d'autres amants, profana la poésie d'un ineffable souvenir. C'était Le retour impossible par Lucie de la rue Mardrus.